Dédicace à la sérénissime dame, reine du ciel et de la terre, mère de Dieu et notre mère. Ma mère, permettez-moi, auguste mère de Dieu, de vous donner aussi le nom si doux de mère. À ma mère, ma tendre mère, et mille fois ma mère, je le sais, je suis indigne, et très indigne de m'appeler votre enfant, mais vous n'en méritez pas moins d'être appelée ma mère. Ma mère, oui, c'est ainsi que je dois vous appeler, et je ne puis en quelque sorte vous donner d'autres noms, après que vous avez daigné vous montrer à mon égard une véritable mère et plus qu'une mère. Quel amour, quelle tendresse, quelle sollicitude, je rougis presque de le dire, et pourtant je ne puis le taire. Vous m'avez prévenu par les bénédictions de votre douceur, vous m'avez accueilli au moment de ma naissance, vous avez écarté de mes premiers pas une infinité de dangers, vous m'avez gardé quand je commençais à grandir, vous m'avez, pour ainsi dire, tenu lieu de mère, même dans mes besoins temporels, dès le moment où je me vis orphelin, privé de père et de mère, vers l'âge de 7 ans, et presque dénué de toute assistance humaine. En ce moment vous m'inspirâtes une plus vive confiance dans votre protection. Je me souviens, oui, je me souviens si bien que le jour même où je me trouvais orphelin, seul au milieu d'une vaste campagne, je m'adressais à vous et sans trop comprendre ce que je disais. Très sainte Vierge, m'écriai-je, vous le voyez, me voilà privé de mère sur la terre, c'est à vous qu'il appartient d'exercer à l'avenir l'office de mère à mon égard, je me repose sur vous, je me confie en vous, désormais vous serez ma mère. À qu'il est vrai qu'aucun de ceux qui ont recours à vous n'est confondu, vous m'avez écouté, que dis-je, c'est vous-même, je crois, qui me mit dans la bouche les paroles que je prononçais, pour avoir ensuite le plaisir d'exaucer les vœux d'un malheureux, destitué de tout autre secours. Je puis en effet vous reconnaître pour mon secours, vous m'avez reçu alors d'une manière plus particulière pour votre enfant. Vous n'avez jamais cessé de me couvrir de votre protection. Constamment vous avez inspiré à mon cœur l'horreur du vice et l'amour de la vertu, vous avez été pleine d'attention pour éloigner de moi les écueils contre lesquels la jeunesse est si portée à heurter. Heureux, si j'avais toujours été fidèle à correspondre à vos soins maternels, mais, hélas, je ne puis y penser sans rougir de honte, je n'ai été que trop rebelle à vos inspirations. Je n'ai que trop rejeté vos grâces, je ne me suis que trop laissé entraîner aux insinuations perfides de l'ennemi infernal. Vous savez quels furent mes égarements, et le danger auquel je m'exposais de tomber dans de plus grandes fautes, ah je puis le dire en toute vérité, j'ai erré comme une brebis perdue. Et vous, m'avez-vous abandonné pour cela? M'avez-vous perdu de vue? Avez-vous détourné vos regards et votre sollicitude d'un ingrat, qui se faisait en quelque sorte un mérite de mépriser vos faveurs? Je l'avais, il est vrai, bien mérité par mon oubli et mon ingratitude, mais votre cœur maternel ne put m'oublier, alors même que je me faisais votre ennemi. Vous m'avez accompagné dans les plus graves périls, vous m'avez fait échapper aux embûches les plus insidieuses, vous m'avez délivré des précipices les plus profonds, dans lesquels je serais infailliblement tombé sans votre assistance maternelle. Tandis que je dormais dans une funeste léthargie, vous veilliez à ma garde, enfin par des voies impénétrables à l'esprit humain, vous m'avez retiré de mes criminelles habitudes, vous m'avez ouvert les yeux, afin que je visse les périls que je courais. Vous avez fait entendre votre voix à mes oreilles rendues presque sourdes. Vous l'avez fait entendre douce et forte en même temps, en sorte qu'elle pénétra jusqu'à mon cœur, et je me mis enfin à invoquer l'assistance de Dieu et la vôtre. Et alors je n'implorai pas tant votre secours au sujet de ma détresse spirituelle, qu'à cause de l'extrême misère temporelle où j'étais réduit. Mais vous, qui toujours accordez plus qu'on ne demande, vous m'avez aidé à sortir de l'une et de l'autre. C'est à votre puissante intercession que je dois attribuer la grâce d'avoir été préservé du malheur de combattre sous les drapeaux ennemis, c'est à la même intercession que je dois attribuer une autre grâce infiniment plus précieuse, celle de n'avoir pas été livré en proie à l'infernal ennemi, qui par toutes sortes d'artifices tentait de m'attirer à lui pour me rendre ensuite éternellement malheureuse avec lui. Alors vous êtes accouru, quoique je ne vous eusse pas invoqué, vous avez pris ma défense, vous vous êtes fait ma caution auprès du souverain juge, promettant pour moi que je ferai pénitence de mes égarements. Oui, ma tendre mère, cent et mille fois ma mère, je le dirai à la gloire de votre divin fils et à la vôtre, ainsi qu'à ma propre confusion. Je le dirai si je ne brûle pas à présent avec les damnés dans l'enfer, si je respire cet air, si je vis, c'est à vous que je le dois, c'est à votre intervention, c'est aux soins maternels et plus que maternels que vous avez pris de moi. Les grâces qui me furent départies ne finirent pas là. Plus d'une fois vous m'avez renouvelé les mêmes ou à peu près les mêmes faveurs, si pas de plus grandes encore. À mesure que je répondais par une plus grande ingratitude à vos bienfaits. Bien plus, vous ne vous êtes pas contenté de me retirer du mal, vous avez voulu encore me conduire au bien, et à un bien tel que, loin de le mériter, je m'en étais rendu positivement indigne. Ce fut celui de m'amener dans cette sainte congrégation que l'on peut appeler un jardin de délices pour le cœur de Dieu. Mais quels artifices amoureux votre sollicitude maternelle ne dut-elle pas employer pour atteindre son but, malgré ma résistance obstinée? Je n'en finirai pas, si je voulais raconter toutes les voies que vous avez suivies pour y réussir, en dépit de mes dispositions contraires. Tout, je puis le dire, tout fut mis en œuvre par vous afin de parvenir à cette fin, les maladies, les humiliations, les trahisons de la part des personnes les plus chères, pour me dégoûter du monde, les caresses et les invitations pour m'inspirer l'amour de la vie religieuse, auquel fut l'abondance des douceurs que vous fîtes pleuvoir dans mon sein, ô année que je ne sais comment qualifier, heureuse par la multitude de grâces, et malheureuse pour le nombre des résistances et des infidélités. Vous avez vaincu à la fin, et vous m'avez conduit où je ne voulais pas d'abord, et je dirais presque, où je ne me doutais pas. Je suis saisi d'étonnement et hors de moi en considérant de quelle manière vous m'avez conduit. Souvent j'agissais sans réflexion, et comme au hasard, et après avoir agi je reconnaissais qu'une main secourable m'avait guidé en tout. Ainsi, comme sans m'en douter, je me trouvais admis au nombre des religieux, puis, engagé dans la voie du sacerdoce, sans aucune démarche à cet effet, enfin je me vis, sans y penser, ce qui toutefois ne me procura pas peu de consolation. Honoré de votre nom, c'est vous-même qui vouliez, par un effet de votre bonté, que je fusse appelé Dominique de la Mère de Dieu en vue sans doute de m'avertir que je dois me regarder comme un bien qui vous appartient et qui est sous votre juridiction spéciale. Ah oui, ma mère, et à qui pourrais-je appartenir après Dieu, si ce n'est à vous, à qui devrais-je me dévouer tout entier, si ce n'est à vous à qui j'appartiens déjà à tant de titres? Je me dispense de dévoiler maintenant les autres grâces que j'ai reçues, me réservant de les publier dans le ciel, où j'espère parvenir par votre intercession. Là, je manifesterai devant l'assemblée des bienheureux toutes les faveurs dont votre miséricorde m'a comblé jusqu'ici et qu'elle daignera encore m'accorder à l'avenir. Mais en attendant, que puis-je faire pour attester la reconnaissance qui me lie si étroitement à vous? Oserais-je prétendre satisfaire à toutes les obligations que la reconnaissance m'impose, et vous rendre de dignes actions de grâce pour ce que je vous dois, tandis que je ne suis pas même en état d'apprécier les bienfaits dont vous m'avez comblé? Pourrais-je les comprendre? Pourrais-je les expliquer? Je ne puis en avoir ni la présomption ni la hardiesse. Ah, je me vois comme submergé dans l'océan de vos grâces, de quelque côté que je me tourne, je m'en vois tout entouré, je ne sais comment sonder cette mer, et que pourrais-je jamais vous rendre en échange de tant de bienfaits? Confertobi 12, 2, Psaume 115, 12, que vous rendrai-je, ô ma mère, pour tous les bienfaits dont vous m'avez comblé? Je suis pauvre, aveugle et nu, je ne suis pas capable de faire la moindre chose digne de paraître en votre présence. Puissé-je au moins publier vos grandeurs et vos grâces? Puissé-je élever la voix assez haut pour être entendu par toute la terre? Je dirai aux enfants des hommes, aimez Marie, aimez la créature qui après Dieu est la plus digne d'amour, mais je ne puis pas même faire cela. Que ferai-je donc? Renoncerai-je à faire quoi que ce soit? Non, ma mère, il m'est trop pénible de ne rien faire pour vous qui avez tant fait pour moi. Je veux donc faire ce que je puis. Je sais que ce sera fort peu de choses, mais votre cœur se contente de tout. Puis donc qu'il ne m'est pas permis présentement d'élever la voix pour célébrer vos louanges, je veux au moins consacrer ma plume à retracer quelques-uns de vos glorieux privilèges et de vos innombrables bienfaits. Qui sait si quelqu'un venant par hasard à jeter les yeux sur ces pages, ne se sentira pas embrasé de votre amour, et disposé à entreprendre pour votre gloire ce dont je suis incapable. Oh, que je m'estimerais heureux en pareil cas d'avoir contribué à la gloire de ma mère chérie, et quand même je n'obtiendrais pas cette fin, j'aurais au moins la satisfaction d'employer le peu d'heures, les courts loisirs dont je puis disposer, à exprimer, quoiqu'en balbutiant, vos grandeurs et vos louanges. Je sais d'ailleurs que je ne pourrai exécuter ce travail avec la dignité qui conviendrait au sujet, et qui le pourrait jamais, toutefois cet obstacle ne m'arrête pas. Bien que je ne puisse, auguste Vierge, vous dirige avec votre serviteur Saint Casimir, célébrer, comme elle le mérite, vos ineffables prérogatives, je veux cependant vous louer en quelque façon que ce soit. Votre bonté m'encourage plus que votre grandeur ne m'effraie. Je vous offre, ma mère, ce faible monument de ma reconnaissance. Agréez, je vous en prie, sinon l'œuvre, au moins la bonne volonté de votre enfant quel qu'il soit, d'un enfant qui non seulement de cœur, mais aussi de nom, tout est à vous. Préface de l'auteur, Dominique de la Mère de Dieu. Ô pieux lecteur, ô vous, qui daignerez jeter un regard sur ces pages, qui que vous soyez, c'est à vous que j'adresse mes paroles. Écoutez-les, je vous en prie, écoutez ce que vous dit le plus dévoué de vos frères, un enfant, bien que misérable, de la plus sainte des vierges, c'est du cœur plus que des lèvres que je désire vous parler. Dites-moi, mon cher frère, répondez-moi avec sincérité, aimez-vous Marie? Nourrissez-vous pour cette excellente reine un tendre amour, une vraie et filiale dévotion? Que me répondez-vous? Que répond votre cœur? Peut-il répondre qu'il l'aime, que vous êtes un dévot de Marie? Oh, s'il en est ainsi, que pourrais-je entendre de plus consolant? Qu'à juste titre je me réjouis avec vous. Quelle chance ouvre devant moi pour vous faire les plus heureux présages? Que de bénédictions, que de grâces ne puis-je pas vous promettre sous de tels auspices? Que pourra-t-il jamais vous manquer, ô mon ami, si vous aimez Marie? Que pourrez-vous désirer, que vous ne l'obteniez par elle? Ou plutôt, que n'avez-vous pas déjà obtenu jusqu'à ce jour? Si vous aimez Marie, Vous êtes payé de retour par cette auguste Vierge? Oui, le cœur de Marie est tel qu'il ne peut en aucune manière ne pas aimer celui qu'il aime. Il me semble entendre à toute heure sortir de sa bouche ces douces paroles. J'aime ceux qui m'aiment. Proverbe 8, 27. Si vous aimez Marie, vous êtes aimé de Dieu. Ecclésiastique, Siracide 4, 25. Or, si vous êtes aimé de Dieu et de Marie, que peut-il vous manquer? Ô amour de mon Dieu, ô amour de Marie, celui qui vous connaîtrait, celui qui saurait vous apprécier autant que vous le méritez, quelle peine ne se donnerait-il pas pour vous posséder? Il donnerait volontiers toutes les richesses de sa maison, et il les mépriserait comme s'il n'avait rien donné. Cantique 8, 7. Tant est grand le trésor qu'il trouve en trouvant l'amour. Vous pouvez donc dire qu'avec l'amour de Marie vous sont venus tous les biens imaginables. Sagesse 7, 11. Hélas, je vois cependant qu'à mes paroles votre cœur reste froid, il ne bondit pas, il ne tressaille pas d'allégresse. Que veut dire cette froideur? Indiquerait-elle peut-être que votre cœur n'aime pas Marie? Qu'il ne brûle pas? Qu'il ne se consume pas d'amour pour Marie? Ah, s'il en était ainsi, mon frère, que devrais-je vous dire? Vous n'aimez pas Marie? Mais pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas plutôt brûler d'amour pour elle? Pourquoi, pourquoi? Je vous le dirai en peu de mots. Vous ne l'aimez pas, parce que vous ne la connaissez pas, telle est la seule, l'unique cause de votre froideur, de ce que vous l'aimez peu ou point du tout. Vous ne la connaissez pas, et à cause de cela vous ne l'aimez pas. Non, on ne peut donner d'autre raison du peu d'amour que tant de chrétiens ont envers la très sainte Vierge. Ah, si tous la connaissaient, comment pourraient-ils se lasser de l'aimer? Comment est-il possible que leur cœur ne s'enflamme pas de son amour? Fût-il plus dur que le diamant, il devrait plier, il devrait enfin se briser et céder à la force presque infinie de ses doux attraits. Il est impossible qu'il se défendît d'aimer celui qui connaîtrait un objet si digne d'amour. Voyons si nous avons le bonheur de la connaître. Dites-moi, mon frère, qu'est-ce que Marie? Oh mon Dieu, que cette question est vaste! Qui d'entre les pures créatures pourrait y satisfaire d'une manière parfaite? Quelle langue humaine, quelle intelligence céleste, quel chérubin, quel séraphin, serait capable de nous expliquer toutes les grandeurs, toutes les prérogatives, et par conséquent toutes les amabilités qui se rencontrent dans Marie? Ecclésiastique, Siracide 1, 6, qui pourrait jamais énumérer les perfections que le Très-Haut a réunies dans Marie, qui pourrait dire les progrès qu'elle a fait dans la perfection même, qui, écoutez, quel est celui qui seul le pourrait? Il n'y a qu'un sage grandement redoutable, assis sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créé, il l'a vu et il l'a nombré, il l'a répandu sur toutes ses œuvres. Note. Ecclésiastique 1, 8 et 9. Ce n'est pas là le sens littéral de ce texte, mais il peut être employé ici dans le sens accommodatis. Cette remarque doit s'étendre à plusieurs autres passages de l'Écriture que l'on trouvera dans la suite. Le Larousse donne comme définition à sens accommodatis, sens donné à un texte de l'Écriture, absolument étranger à la pensée de l'auteur biblique et qui ne repose que sur une interprétation personnelle, parfois fantaisiste. Fin de la note. Oui, je le répète, la sagesse infinie de Dieu est seule capable de connaître parfaitement Marie, comme sa toute-puissance seule a pu la créer. Tel en est, dit saint Bernardin, et nous sommes forcés de l'avouer avec lui. Telle est l'éminence de la dignité de Marie, qu'il est réservé à Dieu seul de pouvoir la comprendre. S'il en est ainsi, aurais-je la présomption de vouloir retracer l'excellence de Marie? Je serais insensé, Sans doute, si j'y prétendais, je reconnais donc que j'ai fait une entreprise de beaucoup supérieure à mes forces. Faudra-t-il pour cela que je l'abandonne avant d'avoir mis la main à l'œuvre? Non, je ne me sens pas le cœur de le faire. Si je suis incapable de donner un portrait achevé de Marie, je veux au moins en tracer une légère esquisse, mais, me dira quelqu'un dans quel but entreprendre un pareil travail, après que tant et de si illustres plumes se sont exercées si heureusement à remplir des volumes et enrichir les bibliothèques des grandeurs de Marie, dans quel but, je pourrais vous répondre que le travail même est mon but, j'écris pour écrire, je parle pour parler. Écrire et parler de Marie est en soi quelque chose de si noble, et qui procure tant de satisfaction à un enfant de Marie, qu'il peut se le proposer pour fin de ses travaux, et comme le but où son esprit et son cœur aspirent à se reposer. Toutefois, je n'aime pas de m'en tenir à cette réponse, qui permettrait, non sans raison, de m'accuser d'un peu de présomption. Moi qui suis toute de glace à l'égard de Marie, j'en donnerai donc une autre qui me conviendra mieux. J'écris en premier lieu pour obéir à une impulsion que j'éprouve depuis longtemps. J'écris pour consacrer à l'Auguste Vierge ses courts loisirs dont j'ai la liberté de disposer. J'écris pour voir s'il ne m'arrivera pas, en écrivant, de réchauffer un peu mon cœur encore si froid envers Marie, qui sait si, ayant à tracer en quelque sorte le portrait de Marie, et devant par conséquent me tourner souvent vers elle pour la contempler et l'admirer sans cesse, et sous tous les aspects, je n'aurai pas enfin le bonheur d'être épris de ses charmes et de concevoir pour elle une flamme ardente, qui finisse par embraser mon cœur de son saint amour. Certes, il n'y aurait là rien de singulier ni d'extraordinaire. J'écris pour avoir quelques gages de la vie éternelle, j'entends l'aimable Vierge qui dit, « Ceux qui me glorifient auront la vie éternelle pour récompense, Ecclésiastique, 24, 31. Je ne puis, il est vrai, glorifier Marie en elle-même, mais je tâcherai du moins de le faire à mes yeux. J'écris enfin, le dirai-je, pour essayer s'il ne m'arrivera pas d'enflammer quelque cœur d'amour pour Marie, oh, qu'alors je m'estimerais heureux, que j'estimerais bien employer le temps que je consume à écrire ces pages, heureux si je pouvais être, entre les mains de ma mère, un instrument utile et propre à allumer dans le cœur des fidèles le feu de son amour, heureux, et quelle récompense plus grande que celle-là pourrais-je avoir en vue? Eh bien donc, quoi qu'il en soit, essayons. L'audace est bonne en bien des occasions, la lâcheté l'est rarement. Mettons-nous à l'ouvrage. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que Marie? Je ne puis la considérer immédiatement en elle-même, il est vrai, heureux s'il m'est donné de la voir un jour. Mais j'ai pourtant entre les mains de quoi tenter l'entreprise. Mais à quelle source irais-je puiser? Sera-ce dans mon propre fond, dans mon esprit, dans mon cœur, à quelle pauvre source j'y trouverai? Si je ne puis imiter les plantes qui produisent des fruits d'elles-mêmes, je tâcherai au moins d'imiter les abeilles qui se jettent avidement çà et là pour recueillir les sucs les plus doux. Je n'aurai donc qu'à aller à la recherche des meilleures plantes et des sources les plus pures. Pour cela, je m'abstiendrai, autant que possible, d'avoir recours aux compilations, aux recueils et aux brochures qu'on voit paraître tous les jours, et disparaître aussitôt, à moins toutefois qu'ils ne viennent d'auteurs accrédités. Je n'ai pas non plus l'intention d'exploiter les révélations faites à certaines personnes en particulier, et qui sont souvent plus propres à engendrer le doute que toute autre chose. Ce n'est pas que je n'ai pour cesse hors d'autorité l'estime qui leur est due, je les estime, je les vénère même, mais je ne m'en sers que pour cause urgente. Une dévotion solide et ferme, telle que je la désire dans tous, exige une nourriture plus forte et plus sûre, en sorte que les sources où j'aimerais toujours à puiser mes réflexions, seront les divines écritures et leurs commentateurs, spécialement Cornelius à Lapide, qu'on ne saurait assez louer, les définitions de l'Église et des conciles, les saints-pères, et en particulier saint Bernard et saint Anselme, les théologiens du premier ordre, saint Thomas et Suarez entre autres seront toujours mes auteurs de prédilection, les plus habiles canonistes, et en premier lieu Benoît XIV, et quelques autres que l'occasion me fera rencontrer. Je n'ai point mis au nombre de ces autorités saint Alphonse de Ligorie, et cela non parce que je n'aurais pas pour sa personne et ses écrits le respect et la vénération qu'il mérite, mais uniquement parce que ses ouvrages sur la Sainte Vierge se voient avec plaisir entre les mains de tout le monde, en sorte que chacun peut y puiser par lui-même et avec abondance. Quant au style, je tâcherai de le rendre simple, clair et intelligible, dégager des figures exagérées de l'orateur et des élans du poète, toutes choses bonnes à donner au discours une brillante apparence, mais d'ailleurs incapable de nourrir une vraie et solide dévotion. Voici l'ordre que je suivrai. Je m'efforcerai en premier lieu de dire en quoi consiste l'excellence de Marie, en la considérant, premièrement dans les figures que les livres sacrés en ont tracées, deuxièmement dans son auteur et dans ses fins, troisièmement en elle-même, ou dans les prérogatives qui lui sont propres, quatrièmement enfin, dans les effets bienfaisants que Dieu, par son moyen, a opéré et opère encore en faveur des hommes. Tel sera le sujet de la première partie de cet ouvrage. J'en viendrai ensuite à une autre question, savoir quels sont les véritables serviteurs de Marie. Ici je traiterai premièrement de la fausse dévotion, ensuite de la dévotion imparfaite, et enfin je retracerai les caractères d'une dévotion véritable et solide, et les devoirs les plus essentiels d'un dévot, d'un enfant de Marie envers cette tendre mère, ce sera la seconde partie. Enfin, si tel est le bon plaisir de Dieu, je donnerai une série d'instructions morales et pratiques, à lire, en particulier ou en public, dans toutes les fêtes que l'Église prescrit ou permet de célébrer durant le cours de l'année en l'honneur de Marie. C'est ce qui formera le complément de l'ouvrage. Je n'ai pas l'intention de livrer à l'impression ce que je me propose d'écrire. Ce pauvre travail ne mérite assurément pas un tel honneur. D'ailleurs, les circonstances dans lesquelles je me trouve ne me le permettent pas. Si Dieu le veut, il saura bien trouver le moyen et l'occasion favorable de le faire. Et pourquoi donc écrire? Dira quelqu'un. Pourquoi couvrir d'encre du papier qui ne sera bon qu'à occuper le coin d'une vieille bibliothèque, qui sera déchirée peut-être et jetée au feu? Eh bien, je veux écrire, que sais-je même l'assurance qu'il n'en reviendra pas d'autre utilité. Ces écrits pourront toujours me servir à moi-même, ils pourront servir à l'un ou l'autre de mes compagnons de religion, et lorsqu'ils seront sur le point de tomber en poussière, ils auront peut-être été utiles à quelqu'un qui aura eu assez de loisirs à consumer pour les lire. S'il arrivait qu'ils fussent condamnés à être déchirés et la jeter au feu, je me réjouirais alors que mes productions subissent le sort que je mériterais moi-même. Je ne réclame autre chose de la charité de celui qui lira ces pages qu'une prière en ma faveur auprès de Dieu et de sa divine mère, soit avant, soit après ma mort. Je me contente du léger tribut d'un seul Ave Maria. Si jamais en écrivant j'avais laissé échapper quelque erreur, quod eius avertet, ou quelque proposition qui mérita d'être censurée, je proteste que je serai le premier à la censurer, à la condamner, à l'anathématiser au besoin. Puisque je ne désire autre chose que d'être toujours un enfant obéissant de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, colonne de la vérité, vaisseau qui peut seul nous conduire au port, que je souhaite à tous. Rome, 1826. Dominique de la Mère de Dieu.